Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire Fischer contre Spassky, le match du siècle de 1972 aux échecs. Le champion soviétique Boris Spassky a maintenant deux parties en main sur son adversaire américain. Bobby Fischer vient en effet de perdre la deuxième partie du match par forfait, ayant tout simplement négligé de se présenter au palais des sports de Reykjavik où se déroule le match. Il paraîtrait qu'il n'aimait pas les caméras de télévision installées là. C'est le soviétique Boris Spassky qui prend les devants au début de ce match du siècle aux échecs qui a lieu en Islande en 1972. Ce tournoi qui se déroule au moment où la rivalité entre Américains et Soviétiques est encore très très vive oppose le champion américain Bobby Fischer au champion soviétique Boris Spassky. C'est la première fois depuis des décennies qu'un Américain est en position de mettre fin à cette très longue domination des Soviétiques aux échecs. Ce tournoi historique passera à l'histoire justement à titre de match du siècle. Bobby Fischer, champion du monde d'échecs, a fêté hier soir sa victoire sur le soviétique Boris Spassky en buvant du champagne dans sa chambre d'hôtel à Reykjavik, mais on ne sait pas si c'est du champagne français ou californien. Quoi qu'il en soit, Bobby Fischer voudrait affronter à nouveau les soviétiques, mais il dit, lorsque la partie commencera, ils sauront qu'ils vont être battus de nouveau, ils pourraient ne pas vouloir jouer avec moi. Boris Spassky, lui, n'est pas tout à fait de cet avis. Il espère bien se mesurer encore à l'Américain. Spassky n'a pas honte de sa défaite, du moins pas assez, pour demander l'asile politique à un pays occidental pour échapper au blâme de ses compatriotes. C'est donc finalement l'Américain Bobby Fischer, vous venez de l'entendre, qui remportera ce match du siècle de Reykjavik en Islande en 1972 pour nous raconter la rocambolesque, la fascinante aussi, histoire de ce tournoi. Mon invité est Francis Lalumière, concepteur multimédia et spécialiste des jeux de société. Francis Lalumière, bonjour. Bonjour. Un mot d'abord sur le contexte très particulier dans lequel est organisé ce tournoi de Reykjavik. Ça va compter, Francis Lalumière, ce contexte-là, dans le fait que ce match devienne le match du siècle. Oui, parce qu'on est en plein milieu de la guerre froide en 1972 et c'est la première fois qu'un joueur américain est en position d'aller battre les Russes sur leur propre terrain. Ouais. Et puis donc, ça va créer... Puis on en joue des deux côtés, à Moscou comme à Washington et aux États-Unis. Il y a toutes sortes d'images. On mousse le tournoi, en fait. Oui, absolument. Aux États-Unis, Times Magazine, par exemple, va promouvoir la chose en disant que c'est l'ours russe contre le loup de Brooklyn. Alors, il y a une image assez forte là qui est présentée à tous les Américains. Oui. Parlons des deux joueurs. D'abord, Spassky, c'est lui, au moment du tournoi, qui est champion du monde. Qui est Boris Spassky? Boris Spassky, c'est un joueur assez typique dans la lignée des grands maîtres soviétiques. Il est champion du monde depuis un petit bout de temps. On a beaucoup parlé du prodige Bobby Fischer, qui commence à jouer très jeune, mais Spassky aussi est un prodige. Lui aussi a commencé à jouer assez jeune, a fait ses preuves de façon assez précoce. Alors, c'est un adversaire redoutable, absolument. Ouais. C'est la grande fierté du bloc soviétique. Et puis, c'est la grande tradition aussi aux échecs. Il domine vraiment depuis des décennies. Oui, ça fait 30 ans que c'est un jeu essentiellement russe, ouais. Les échecs. Fischer arrive donc, d'où l'intérêt, un Américain qui va peut-être ébranler cet édifice soviétique. Qui est-il? Alors, Fischer, il est né aux États-Unis. Il est né en 43, il a grandi à Brooklyn avec sa mère et sa sœur. Le père ne fait pas partie du portrait du tout. Et en un mot, c'est un prodige. C'est un vrai de vrai prodige. Il se met à jouer aux échecs très jeune. Il devient champion américain à 14 ans. Il y a même un petit détour par Montréal à cette époque-là. En 56, il vient jouer dans le premier Canadian Open. Ici, 88 joueurs, si je me rappelle bien. Il finit deuxième, repart à la maison avec un magot de 59 $, quand même. mais bon, c'est un joueur qui, en grandissant, en se développant comme joueur d'échecs, politiquement, publiquement, il s'embourbe un peu dans toutes sortes de controverses, des propos malheureux, souvent des attaques contre les Juifs, contre la FIDE aussi, la Fédération internationale des échecs, qu'il accuse de favoriser les Soviétiques. Bon, enfin, ce sont des propos malheureux qui vont le suivre tristement toute sa vie. Mais il est connu. Il est connu par les Américains. Il va participer à certaines émissions de télévision. Il y a même une Fischer Mania. Là. Avant qu'il n'arrive à ce tournoi de 72, Bobby Fischer est quelqu'un de très connu. Évidemment, les échecs restent les échecs, mais de connu quand même par le public américain. Oui, c'est une vedette, on pourrait dire une vedette mineure, avant qu'il arrive au match de 72. Oui, il est très connu. On l'arrête sur la rue pour des autographes, des choses comme ça, mais c'est un héros un peu timide. Il préfère... Bon, le vedettariat, c'est pas tout à fait pour lui. Il y a une particularité... Il y a un comportement un peu excentrique, qui a toujours été un peu bizarre, avec ses frasques, bon, tout ça. Alors, c'est pas l'idéal dans son cas, lui. Lui, c'est un joueur d'échecs. Il veut jouer aux échecs. Très jeune garçon qui débutait au jeu des échecs, j'ai suivi, comme des millions d'autres, la carrière de Fischer. Nous le regardions jouer. Nous étions passionnés, non seulement par ses victoires phénoménales contre les meilleurs joueurs, mais aussi par toute la concentration et l'énergie qu'il mettait à gagner une partie d'échecs. Le grand champion d'échecs, Garry Kasparov, à l'émission Des Hôtels en janvier 2008, qui parle de sa fascination quand il était tout jeune gamin, Kasparov, pour ce joueur, Bobby Fischer. Comment résumer Bobby Fischer, le joueur d'échecs, Francis Lalumière? Comment décrire son style? Très rapidement, c'est un joueur très agressif. C'est un joueur qui visait toujours le contrôle du centre du plateau, ce qui n'est pas toujours le cas avec les autres joueurs d'échecs. C'est un joueur qui jouait toujours pour gagner. Il visait jamais une partie nulle, ce qui peut arriver souvent dans un match d'échecs. Même en défense, il met en place des contre-attaques spectaculaires, très menaçantes. Il variait constamment ses ouvertures. C'est un joueur qui jouait avec une logique implacable. Il y a des adversaires qui ont dit que c'était comme jouer contre une machine à jouer aux échecs, mais une machine un peu extravagante quand même, parce que une fois de temps en temps, Bobby pouvait sortir de son chapeau une variation rare ou passée de mode, ou offrir un sacrifice un peu étonnant qui ébranlait les adversaires. Donc l'imprévu, elle était toujours au rendez-vous dans une partie avec Fischer, là. Oui. C'est aussi, Bobby Fischer, un sacré numéro, et on revient au tournoi de Reykjavik en 72. Ce qui précède le tournoi nous en dit beaucoup sur sa personnalité. Sa participation n'est pas gagnée d'avance. Il y a toutes sortes de péripéties qui vont précéder la participation de Fischer à Reykjavik. Comment finit-il finalement par arriver à Reykjavik, Francis Lalumière? Ben, c'est-à-dire que les choses étaient assez compliquées. Normalement, les deux participants, Boris Spassky et Bobby Fischer, devaient se partager une cagnotte de 125 000 $, en plus de recevoir chacun 30 % des droits télévisuels. Mais pour Fischer, c'est pas assez. Alors, lui exige 30 % des recettes qui proviennent de la vente des billets. Il y avait quand même, quoi, 2000 spectateurs à peu près. L'organisation islandaise refuse parce qu'il faut... Il faut qu'il fasse un peu d'argent aussi pour se rembourser. Fischer décide d'annuler à la dernière seconde son vol pour l'Islande. C'est la panique générale, le branle-bas de combat. Tout le monde essaie de convaincre Bobby d'aller jouer. Il y a un millionnaire britannique qui donne 125 000 $ de plus pour doubler la cagnotte. C'est toujours pas suffisant. Au bout du compte, c'est Henry Kissinger, qui était conseiller à la Sécurité nationale sous Nixon à l'époque, qui appelle personnellement Bobby chez lui et qui lui dit, c'est assez mignon, il se présente en disant, c'est le pire joueur d'échecs du monde qui appelle le meilleur joueur d'échecs du monde. Ouais. Bon, c'est bon, ça flattait aussi Fischer dans le sens du poil, et qui lui dit, va donc jouer contre les Russes pour les battre à leur propre jeu. On a besoin de vous, parce qu'on revient à ce contexte de guerre froide, là. Oui, oui, alors Fischer, lui, se voit investi d'une mission nationale, décide d'aller... On va aller planter les Russes, c'est ça, mon expression. Ben oui, absolument. C'est ça l'idée. Donc ça marche, il va prendre l'avion, il va débarquer en Islande, mais Fischer étant Fischer, c'est pas encore complètement gagné. Non, Ça aurait été trop simple. Ben oui. Ça aurait été trop simple. Qu'est-ce qui se passe? Il y a d'autres complications, des caprices, des exigences. Oui, alors Fischer, premièrement, le matin où on va tirer au sort les couleurs pour savoir qui va jouer quelle couleur pour la première partie, Fischer décide de faire la grasse matinée, envoie son assistant à sa place. La délégation soviétique explose, on est insulté, on demande des excuses publiques. Fischer refuse, bien sûr, il va finir par s'excuser à Spassky personnellement dans une lettre assez touchante. Et c'est Boris Spassky lui-même qui va convaincre la délégation soviétique de la sincérité de son adversaire. Ensuite, la veille de la première partie, Fischer inspecte la pièce, le théâtre où ça va avoir lieu, la scène où la partie va se jouer, pendant une heure et demie. Évidemment, il y a plein de... Il est un peu maniaque, on le verra, là, mais on peut le dire tout de suite. Oui, ça, c'est la façon polie de le dire. Il est un petit peu maniaque. Ouais. Pendant une heure et demie, il inspecte tout ça. Ensuite, il leur tend une liste avec des choses à régler. Les caméras de chaque côté de la scène le dérangent. Le plateau de jeu n'est pas au point, il est en pierre, ça devrait être en bois, selon lui. L'éclairage devrait être plus intense. Les pièces sont trop petites pour la taille des cases sur le plateau. La chaise n'est pas à son goût, ainsi de suite. Alors, les organisateurs se mettent au travail tout de suite pour régler tout ça, parce qu'il n'est plus question qu'il y ait un autre dérapage. Et ils vont le faire, en fait. Il y aura des fauteuils qui sont fournis. Oui, il y a une chaise qu'on fait venir des États-Unis spécialement pour lui. Ouais. Oui, absolument. On accède à toutes ces requêtes parce qu'il faut que ça avance. Alors, ça commence. Ça commence finalement le 11 juillet 72. Comment se déroule cette première partie? Pour la première partie, Fischer arrive en retard. Alors, Spassky, qui jouait blanc, donc en premier, a joué son coup. L'arbitre a démarré l'horloge de Fischer. Son temps est en train de décompter. Puis Fischer finit par se présenter, serre la main de Boris en regardant le plateau, se met à jouer. Mais rapidement, se met à plaindre d'une des caméras. Il y a une des caméras qui le dérange, même si les caméras sont un peu plus loin. On continue de jouer quand même. Bobby continue de se plaindre d'une des caméras. exige qu'on démonte une des deux caméras. On va le faire, mais alors que l'horloge de Fischer fonctionne toujours. Alors, on est en plein milieu de la partie. Ouais. Pendant 35 minutes, Bobby Fischer attend que les ouvriers aient fini de démonter la structure qui tient la caméra. Ensuite, il se remet à jouer. Il finit par perdre quand même. C'est 1-0 Spassky. Ouais. En faisant deux coups, d'ailleurs, il va faire des erreurs au-delà de tout ce cirque que vous nous avez décrit dans cette première partie. Petite précision pour les gens qui connaissent pas les échecs. Ça finit quand, ce match-là? Ça va durer 2 mois. Qu'est-ce qui fait qu'on détermine un gagnant? Alors, le match, c'est 24 parties au maximum. Ça peut finir avant, mais c'est 24 parties à raison de 3 parties par semaine. Alors, ça peut effectivement prendre 2 mois. Le vainqueur est celui qui accumule 12.5 points. Ouais. Alors, c'est 1 point par victoire et 1 demi-point par partie nulle. Dans le cas d'une égalité 12-12, le champion à titre gardait son titre. Et dans ce cas-là, donc, 2 mois de plaisir à Reykjavik. Deuxième partie, Bobby Fischer, égal à lui-même, perd par défaut. Qu'est-ce qui se passe? Oui, ben c'est ça. C'est-à-dire que à la fin de la première partie, Bobby blâme les caméras, dit que c'est à cause des caméras qu'il a perdu, exige qu'on les enlève complètement. Bien sûr, on s'y oppose. Il faut que ça soit diffusé, le match. Alors, pour la deuxième partie, Bobby ne se présente tout simplement pas. Alors, il y a Boris Spassky sur scène qui est tout seul, qui attend pendant 30 minutes. L'arbitre a démarré l'horloge de Bobby, mais qui n'a pas joué de coup encore. Parce que lui veut qu'on enlève les caméras, ça négocie, mais obstinément dit, moi, je me présente pas si les caméras sont là. Pas du tout. Alors, au bout de 30 minutes, on finit par l'appeler pour dire, bon, écoute, viens, pour une partie, on va enlever les caméras, on veut que ça avance. Bobby dit, OK, c'est bon, mais je veux que vous redémarriez mon horloge. Ouais. L'arbitre s'y oppose farouchement. Bobby ne se présente pas du tout. Et au bout d'une heure, on déclare Spassky gagnant. Voilà. Alors, c'est 2-0 pour lui. Troisième partie, ça, c'est assez extraordinaire. Fischer gagne contre Spassky. C'est sa première victoire. Mais il gagne sans même être présent devant l'échiquier au moment de sa victoire. Expliquez-nous, Francis. Oui, alors, c'est-à-dire que la troisième partie se déroule dans une petite pièce à l'arrière de la scène. On a accepté. Boris Spassky a accepté ce compromis. Grand gentleman. Alors, c'est à l'arrière de la scène. Le match est rediffusé sur un écran dans la salle du théâtre pour que les spectateurs puissent au moins voir quelque chose parce qu'ils sont devant une scène vide. Alors, à l'arrière, ils sont en train de jouer. La partie est ajournée au bout de 5 heures, ce qui arrivait régulièrement. Comme le veut la tradition, le joueur qui devrait jouer normalement en le suivant scelle son prochain coup dans une enveloppe et la remet à l'arbitre. Comme ça, personne n'a l'avantage le lendemain matin. Puis là, le lendemain matin, bien sûr, Fischer arrive en retard. Alors, l'arbitre ouvre l'enveloppe qui avait été scellée la veille, joue son coup. Spassky prend quelques minutes pour regarder le plateau, s'avoue vaincu, se lève, retourne à l'hôtel. Puis Bobby Fischer arrive 15 minutes après, se fait dire par l'arbitre, bravo, vous avez gagné. Incroyable. Alors, c'est la première partie que Fischer remporte contre Spassky. La sixième partie, Francis Lalumière, on dit que c'est un chef-d'œuvre de partie d'échecs. Pourquoi? Oui, c'est une partie qui ressort du lot, parce qu'il y en a eu 21. Elle est généralement vue par les spécialistes, effectivement, comme un chef-d'œuvre. Il y a plusieurs grands maîtres qui en parlent, des larmes dans les yeux, en la comparant à une symphonie de Mozart. On dit que les attaques étaient si magnifiques, si bien et bellement construites qu'on pouvait rien faire d'autre que le spammer devant une telle partie. En fait, c'était tellement époustouflant comme victoire que Spassky lui-même, à la fin de la partie, s'est mis à applaudir la victoire de Fischer avec les spectateurs, ce qui en dit long sur le caractère de Boris Spassky. Et donc, Fischer qui partait avec un handicap, c'est Spassky qui mène au début, se met à gagner. On l'a vu, la troisième, la sixième, il va se mettre à gagner. À la 13e partie, c'est là vraiment où il va prendre les devants. Oui, la 13e partie, vers la fin de la 13e partie, Spassky commet une erreur épouvantable, tellement qu'il ne peut pas se résoudre à regarder le plateau pendant un bon bout de temps. La partie se termine, c'est lui c'est Fischer qui a gagné encore une fois et qui prend les devants. Et à partir de ce moment-là, il se met à jouer de façon un peu plus conservatrice et les parties 14 jusqu'à 20 sont toutes nulles. Ouais. Alors, au bout de 20 parties, on a un pointage qui est le suivant, 11,5 pour Fischer et 8,5 pour Spassky. Alors, il manque seulement un point à Bobby pour remporter le championnat. Et évidemment, on ne l'a pas encore souligné, mais c'est très, très, très suivi, ce tournoi de Reykjavik. C'est très suivi. C'est le premier match, en fait, qui est télédiffusé en Amérique du Nord. Il n'y aura jamais un match avec un aussi grand retentissement par la suite, pour des raisons socio-historiques claires et assez évidentes. Mais c'est un match qui est assez ironiquement pas vraiment diffusé non plus parce que Bobby a accepté de revenir rejouer sur scène à partir de la partie 4. Mais si on enlevait complètement les caméras, et là, l'organisation islandaise s'est dit, bon, OK, on va le faire parce qu'on veut pas que le match arrête maintenant. Ce qui fait que tout ce qu'on avait aux États-Unis, c'était des experts en studio qui recevaient les coups un à un, qui les reproduisaient sur un plateau et qui analysaient la partie avec d'autres joueurs en attendant de recevoir le prochain coup. Alors, c'est ça qu'on a diffusé. Mais ça déclenche quand même une folie totale aux États-Unis. Mm-hmm. Les jeux d'échecs sont en rupture de stock, et ainsi de suite. Ouais. Bon, je reviens au décompte que vous nous donniez il y a un instant. Fischer est donc à la partie, à la 20e partie. Il est à un point de devenir le nouveau champion du monde. Et là, les Soviétiques vont se mettre à l'accuser de tricherie de toutes sortes. Donnez-nous des exemples de ce dont on l'accuse. C'est le délire total. Les Soviétiques accusent Fischer d'influencer le jeu de Spassky par des moyens, des produits chimiques, des gadgets électroniques. On voit la fin arriver, puis on essaie de sauver la face le plus possible. Alors, on implique la force constabulaire islandaise. Il y a des policiers islandais sur scène. On prélève des échantillons de tout, de n'importe quoi, y compris de l'air sur scène, dans un sac de plastique. C'est complètement absurde. Incroyable. On démonte la chaise de Spassky, on la passe au rayon X. Tout ce qu'on finit par trouver, c'est deux mouches mortes dans un luminaire. Ouais. C'est tout. Bon. Il gagne à la partie 21? À la partie 21, oui. Fischer l'emporte. Comment ça se passe? La partie 21 se déroule plus ou moins normalement. Elle est ajournée au bout de 5 heures, comme il arrivait souvent. Pendant la nuit, Spassky continue à examiner sa position. Les joueurs font encore toujours ça. Puis il s'avoue vaincu. Admet qu'il vient de perdre. Alors le lendemain, il rencontre un des photographes dans le lobby de l'hôtel et décide de se confier. Il lui dit, écoute, je suis pas triste, c'est une compétition sportive, j'ai perdu. C'est Fischer qui est le nouveau champion du monde et moi j'ai besoin d'aller prendre une marche et de respirer un peu d'air frais. C'est comme ça que ça se fait donc. C'est comme ça que c'est réglé. Évidemment, pour le public, le photographe va appeler Bobby pour l'avertir, lui donner la bonne nouvelle. Bobby reste tout calme, dit « Ah bon, merci ». L'histoire est réglée, mais pour le public sur scène, ça se fait quelques heures plus tard quand l'arbitre annonce en l'absence de Spassky, mais en la présence de Fischer, que Spassky a capitulé par téléphone et que Bobby Fischer est le nouveau champion du monde. On écoute, vous nous en avez glissé un mot rapide, mais on écoute la réaction de Boris Spassky à la suite de sa défaite contre Fischer. Il est interviewé par un journaliste de l'Associated Press le 3 septembre 1972. Monsieur Spassky, êtes-vous très déçu d'avoir perdu votre titre? I'm not disappointed. Je ne suis pas vraiment déçu. Car je pense qu'après ce match, ma vie va s'améliorer. Les tactiques de Fischer à propos des meubles, de l'éclairage ou de l'échiquier vous ont-elles dérangé? Ça ne m'a pas dérangé. La seule chose qui m'a déplu, ce sont ses retards et le fait qu'il ne se soit pas présenté à la deuxième partie. Ça, je n'ai pas aimé ça. Vous avez dit vous être senti insulté. L'êtes-vous toujours? Je pense que oui. Alors, Francis Lalumière, dans quelle mesure ce comportement, cette attitude de Bobby Fischer vont jouer dans sa victoire contre Spassky? Il y en a plusieurs qui ont suggéré que toutes les extravagances de Bobby avaient brisé la concentration de Spassky. On a entendu Spassky dire « non, ce n'était pas le cas ». On peut en douter quand même parce que, bon, toutes ces frasques-là arrivaient pas seulement entre les parties. Souvent, c'était au beau milieu d'une partie. Bobby jouait un coup, se levait debout, criait qu'il voulait du jus d'orange bien frais, fraîchement pressé, tout ça. Et bon, j'imagine que ça userait la concentration de n'importe qui. Comment est interprétée cette victoire à la fois aux États-Unis? Parce qu'on y revient, là, ce contexte. Tout le monde avait les yeux rivés sur ce tournoi d'échecs à Reykjavik. Oui. Comment s'est reçue cette victoire de Fischer aux États-Unis et en URSS? En URSS, c'est une insulte, c'est une gifle parce que, bon, on a été battus sur notre propre terrain. Aux États-Unis, Fischer c'est un triomphe total. Fischer est un héros national. Encore une fois, le héros timide. Il accepte qu'il y ait une cérémonie devant l'hôtel de ville de New York, mais pas une parade au centre-ville parce que le maire voulait absolument lui faire une parade, tout ça. Lui, ça n'intéresse pas. C'est un joueur avant tout. Pas une vedette. On dit que la guerre froide est terminée, vrai, mais pas nécessairement aux échecs, parce qu'aujourd'hui, l'Américain Bobby Fischer a remporté la première partie du match revanche du championnat 1972 contre le Français d'origine russe, Boris Spassky. Donc, 6h15 de jeu, 49e coup, Fischer a contraint son adversaire à l'abandon. Après une absence de 20 ans, Fischer fait un retour remarqué à la compétition. La partie se déroule en sol yougoslave et Fischer est menacé de sanctions par le gouvernement américain qui l'accuse de cette sorte de violer l'embargo qui pèse sur la Yougoslavie. Il y aura donc un match revanche, Francis Lalumière, entre Fischer et Spassky en 1992. C'est Fischer qui va le remporter ce match à nouveau. Comment est-ce qu'on en vient à l'organisation de cette rencontre? Il y a eu toutes sortes de péripéties, encore une fois, Fischer qui exigeait différentes choses. Qu'on n'avait pas vu, là, depuis... Fischer a même refusé de défendre son titre en 75, ouais. Alors qu'à Manille, on lui offrait une bourse de 5 millions. Il a exigé toutes sortes de changements aux règles, la FIDE a refusé. Elle a accepté à moitié, Fischer a dit « bon, je me présente pas ». Et Anatoly Karpov est devenu le nouveau champion du monde sans même déplacer une pièce. Alors en 92, on finit par le sortir de l'obscurité, parce qu'il jouait plus en public, pour un match revanche très attendu contre Spassky. Les deux étaient restés en contact, quand même en bon terme. Et Fischer est allé jouer en Yougoslavie. Mais ça a causé toutes sortes de problèmes, parce que effectivement, à l'époque, guerre froide, bloc de l'Est oblige. Bon, c'était à peu près terminé, mais il y avait encore des relations tendues. Les citoyens américains ne pouvaient pas aller faire des affaires en Yougoslavie. Mm-hmm. Alors, on émet un mandat d'arrestation contre lui. Fischer se met à errer en Europe un peu partout. Il réussit à vivre de ce qu'il a gagné au match revanche, 3,5 millions. Bon, ça lui permet de finir sa vie en exil en Islande. Ah bon? Alors, retour aux sources, ouais, un peu pour lui, où il va finir par mourir à Reykjavik. Où il est enterré aujourd'hui. Et les deux hommes, vous l'avez rapidement évoqué, mais de fait, malgré ces tactiques complètement saugrenues qui ont déplu, on l'a bien entendu, là, Spassky dit « je n'ai pas été dérangé par toutes ces exigences », mais quand même, ces retards à répétition, ouais, ça, le fait qu'il ne se présente pas à la deuxième partie, je trouve ça un peu ordinaire, mettons. Mais ces deux hommes vont continuer d'entretenir une relation, de correspondre, deviennent amis, en fait. Oui, d'une certaine façon. Mais c'est des athlètes, alors il n'y avait pas... C'était pas des politiciens, c'était pas des soldats, c'était des athlètes. Alors, c'est un peu comme des rivaux aux Jeux olympiques qui jouent l'un contre l'autre, mais qui se détestent pas personnellement pour autant. Alors, c'est un peu la même chose dans leur cas. Il y a cet immense respect de l'un pour l'autre. On termine avec l'importance. On y revient. On a dit de ce match que c'était le match du siècle en 72, mais il y avait ce contexte très particulier qu'on a abordé ensemble. Aujourd'hui, dans le monde des échecs, Francis Lalumière, est-ce que cette partie, ce match de Reykjavik en 72 reste le match du siècle, reste un des grands moments du monde des échecs? Oui, absolument. Ça demeure encore le match du siècle. C'était une situation unique. Ça s'est pas reproduit. C'est le seul champion américain des échecs dans toute l'histoire du jeu, à part le premier qui était un immigrant austro-hongrois, c'était le premier champion américain né aux États-Unis. Ouais. Bon, alors ça s'est pas reproduit. Et au-delà du contexte socio-historique, il y a aussi les parties elles-mêmes. La sixième partie, les gens en parlent encore aujourd'hui, c'est une vraie cathédrale, cette partie-là, c'est magnifique. Si vous voulez reproduire la partie est disponible, vous pouvez reproduire les coups, vous allez voir à quel point c'est d'une beauté extrême. Et vous allez peut-être verser une larme à la fin. Peut-être. Peut-être, qui sait. Francis Lalumière, concepteur multimédia, spécialiste de jeux de société. Toujours un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup, Francis. Merci beaucoup. Merci également à Mathieu Beauchamp à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et André Martineau, stagiaire à la recherche Mohamed Algouri, recherche d'archives Mario Bolduc, au site Internet Mathieu Arsenault, à la technique aujourd'hui Alain Savoie. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.